إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 60. Le cours d'aujourd'hui dans Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, c'est au sujet de Babun an-nahyu an ash-shafa'ati fil hudud. Donc c'est l'interdiction d'intercéder par rapport aux peines de la charia. Une fois que une personne a été reconnue coupable d'un crime, elle a été ramenée devant le juge, eh bien on n'a plus le droit d'intercéder en sa faveur. Hein? Dans le sens qu'on n'a pas le droit d'intercéder dans le sens de demander que la peine ne soit pas établie une fois que la personne a été reconnue coupable. Et on va lire les hadiths à ce sujet-là et les versets dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate An-Nur, le verset 2, wa qawlullahi ta'ala, wa la ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Donc ça c'est le verset 2 dans Sourate An-Nur. Et donc c'est ce qui signifie: et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc une fois qu'on a compris que la personne en question qui a fait le crime, elle a été reconnue coupable, on ne doit pas être pris de pitié pour cette personne dans l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ وَفِي الْمُوَطَّى عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانِ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. Donc ici c'est le premier hadith qui est mentionné, rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, selon Aïcha, radiyallahu anha, à propos de Al-Makhzoumiya. Al-Makhzoumiya, c'est-à-dire la femme qui venait de la tribu de Makhzoum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bani Makhzoum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Atashfa'u fi haddin min hududillah. Et ça, c'est à propos de Usama ibn Zayd. Comme on va l'expliquer par la suite. Lorsque les gens sont venus voir, en fait, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ils n'osaient pas venir voir le messager d'Allah directement. Parce que, yani, ils avaient honte, justement, d'intercéder auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce sujet-là. Puisque c'est une femme noble qui a été accusée de vol. Hein? Elle a volé. Donc, les gens avaient du mal à voir qu'on lui coupe la main. Parce qu'on disait, bon, cette femme est une femme noble. Donc, comme si il faut faire quelque chose pour pas que sa main soit coupée. Et ils ont envoyé un sahabi. Ils savent que ce sahabi-là, il est bien aimé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour intercéder en sa faveur. Et ils ont donc demandé à Usama ibn Zayd d'aller voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander d'enlever la peine ou de ne pas appliquer la peine sur cette femme pour pas qu'elle se fasse couper la main. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque Usama ibn Zayd est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander de soulever la peine, hein, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été en colère. Hein, il s'est mis en colère. Il a dit, est-ce que tu viens intercéder à propos d'une des peines, parmi les peines d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, c'est pour dire, personne n'a le droit d'intercéder dans les peines de la charia. Une fois que la personne, comme c'est mentionné dans le hadith, le suivant, hadith rapporté dans Al-Muwatta de l'imam Malik, selon Az-Zubayr radiyallahu anhu, il dit, une fois que les peines sont arrivées devant le dirigeant ou le juge, eh bien, que Allah maudisse celui qui intercède et celui pour qui il intercède. Donc, c'est pour dire que celui qui intercède et celui qui lui demande d'intercéder, hein, pour quelqu'un. Donc, c'est pour montrer donc que c'était grave qu'est-ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer à quel point il était déterminé à établir la peine sur cette personne, il a dit, c'est comme ça que les peuples d'avant, hein, les juifs, eux, ils ont péri à cause de ça. Quand les nobles parmi eux faisaient un crime, ils appliquaient pas la peine. Puis quand les pauvres faisaient un crime, et là, ils appliquaient les peines. Hein? Donc c'est ça qui a créé de l'injustice. Et il a dit, par Allah, même si Fatima, ma propre fille, elle avait volé, je lui aurais coupé la main. Hein? Donc c'est pour dire que c'est pas une question de noblesse, c'est pas une question de lien de parenté ou de famille ou d'honneur, de choses de ce genre. Non, on applique la peine sur quiconque mérite que la peine soit appliquée. Et le hadith ensuite qui est rapporté, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, yani celui qui vient pour s'interposer par rapport à l'application d'une peine, parmi les peines d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il a opposé Allah dans son commandement. Il a opposé Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son commandement. Maintenant, on va lire l'explication de ces différents hadiths et le charh du cheikh vis-à-vis de ce chapitre-là, il est très court, hein, c'est un paragraphe. Donc, il dit: تجب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم بالإقرار أو البينة ولا يجوز لأحد أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو سلطة ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد كما في هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. Donc le cheikh, il dit, il est obligatoire d'établir les peines de la charia lorsque ces peines-là ont été confirmé et établi chez le dirigeant, hein, chez le juge ou le représentant du dirigeant, et que soit que la personne elle a reconnu elle-même, elle a reconnu elle-même, ou soit qu'on a établi les preuves, hein, et les indices qui indiquent que cette personne a réellement commis le crime, ou bien soit par rapport à des témoins ou des choses comme ça, et il n'est permis à personne de s'interférer dans l'application des peines pour essayer de les faire tomber ou de les annuler ou de ne pas les faire appliquer, soit par une intercession ou en donnant de l'argent ou par une autorité quelconque. Et il est obligatoire à ce que les peines de la charia soient appliquées sur les personnes qui sont nobles ou celles qui sont faibles ou celles qui sont riches ou celles qui sont pauvres, sans aucune distinction. Et dernièrement, vous voyez, parce que souvent les gens de Bid'a comme les Ikhwan, comme Tariq Ramadan et d'autres, ils critiquent l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite applique la charia de l'islam. Donc eux, ils cherchent toujours des erreurs et des fautes, hein, en Arabie Saoudite pour critiquer l'Arabie Saoudite. Par jalousie, parfois, ou bien pour d'autres raisons que Allah connaît, qui sont dans leur cœur, hein, et yani, Allah al-Musta'an, il critique le pays qui applique la charia au lieu d'essayer de les défendre et de les encourager dans le bien. Eux, au lieu de ça, ils les attaquent et les critiquent. De la même manière que les kuffars critiquent l'islam et la charia, eux, ils critiquent l'Arabie Saoudite parce qu'elle applique la charia. Donc, ils disent, ah, mais ils appliquent seulement les peines sur les pauvres. Hein? Et ça, c'est, encore une fois, du mensonge et de la calomnie. Et dernièrement, il y a eu la preuve de ça, lorsque le roi Salman, hafizahullah ta'ala, il a fait que la peine, hein, soit la peine de mort soit appliquée sur un des Umara, un des princes, hein, qui avait commis un crime. Donc il a été exécuté selon la charia de l'islam. Et il l'a dit, ça c'est la charia d'Allah. Hein? Donc c'est pas pour dire que parce qu'il était un prince, parce qu'il est descendant de la famille royale, qu'il est protégé ou qu'il a, hein, l'amnistie, qu'il est protégé contre les punitions de la charia, non. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois noble, que tu sois simple, personne ordinaire ou peu importe qui tu es, on doit appliquer la peine si cette peine-là est méritée. Et le cheikh, il dit ensuite qu'il y a des sévères menaces qui ont été mentionnées dans la charia à propos de la personne qui s'interfère pour faire annuler l'application d'une peine, comme c'est mentionné dans les ahadiths que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il dit « La'anallahu man awa muhdithan » C'est-à-dire que Allah maudisse celui qui protège ou qui défend un criminel. Celui qui protège ou qui défend un criminel, quelqu'un qui fait des crimes, ou bien un innovateur. Donc c'est la même chose. Donc ça c'est la fin de l'explication des hadiths de ce chapitre. Vous voyez que c'est pas trop long. Maintenant il y a un autre chapitre. Le chapitre suivant c'est Babun man a'ana ila khusumatin fil batil. Man a'ana ila khusumatin fil batil. C'est-à-dire celui qui aide dans une dispute. Yani, il aide dans le faux, dans une dispute ou dans un conflit. C'est-à-dire, quand il y a un conflit entre deux parties, au lieu d'aider dans la vérité, lui, il aide dans le faux. Donc ça fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Le cheikh, il dit, «النَّاسُ تَحْتَ» le cheikh, il fait un commentaire avant d'expliquer les hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre et les versets. Parce que dans ce chapitre-là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné plusieurs hadiths et plusieurs versets. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire en premier sur le titre. Donc il explique le titre de ce chapitre. Il dit, تحدث بينهم خصومات ومنازعات، وهذا من طبيعة البشر. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il explique, il dit que les gens, il y a toujours des conflits et des disputes qui se produisent entre eux. Et ça, ça fait partie de la nature humaine, hein, qu'il y a des conflits tout le temps. Ça, c'est normal. Et c'est pour ça qu'Allah a envoyé les messagers et qu'il a fait descendre les livres, pour que les hommes puissent juger entre eux au sujet des choses dans lesquelles ils ont divergé. Et il mentionne le verset 105 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: « Et nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, pour que tu juges entre les hommes selon ce que Allah t'a montré, et ne sois pas un défenseur ou un disputeur pour les traîtres. » Et le verset 49 dans Sourate Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Et juge entre eux selon ce que Allah t'a révélé et ne suis pas leur passion. » Et prends garde qu'ils ne cherchent de te tenter d'une partie de ce que Allah a fait descendre sur toi. D'une partie, hein? Imagine, Allah subhanahu wa ta'ala dit: prends garde qu'ils ne cherchent de te tenter de dévier d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Yani, pas de tout, juste d'une partie, même dans un peu de la révélation. Yani, ils veulent essayer de te faire dévier, donc fais attention. Et il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les ulama ont rempli ce rôle par la suite. Et c'était à eux de juger entre les hommes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Et ils jugent entre les hommes dans les choses dans lesquelles ils ont divergé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur et d'une meilleure conclusion. Et il dit: والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه الكريم والرد إلى رسوله بعد موته هو الرد إلى السنة الشريفة والذين يأخذون الحكم من الكتاب والسنة هم العلماء الذين يحكمون بين الناس بموجب ما جاء في الكتاب والسنة هذا أمر ضروري للبشر لا سيما للمسلمين والخصوم ليسوا على حد سواء فقد يكون منهم من هو ألحن بالحجة من الآخر وعنده بلاغة والآخر يكون دون ذلك فالحاكم بشر يقضي على نحو ما يسمع. Donc on va lire cette partie. Le cheikh il explique que de renvoyer la dispute ou la divergence à Allah, ça signifie de la renvoyer à son livre. Et de renvoyer la divergence et le désaccord au messager, sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie de la renvoyer à sa sunna. Donc avant sa mort, c'était de renvoyer au messager lui-même la discorde ou la dispute ou la divergence. Après sa mort, ça signifie de renvoyer la divergence à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ceux qui prennent le verdict du livre et de la sunna, ce sont les ulama, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qui jugent entre les hommes selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ainsi que ce qui est mentionné dans la sunna. Ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la sunna. Et ça, c'est donc quelque chose qui est nécessaire pour l'humanité. et en particulier pour les musulmans. Et il dit la dispute et la divergence. Hein, les gens qui ont des disputes entre eux, les gens qui divergent entre eux, ils ne sont pas tous à égalité ou au même degré. Dans le sens que certains d'entre les gens sont plus éloquents, ils savent mieux s'exprimer. Hein, ils savent mieux s'exprimer quand il y a une dispute. Ils savent comment expliquer leur cas. Puis, ils savent comment argumenter pour essayer d'établir leurs droits. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ce niveau-là, qui sont peut-être pas capables de s'exprimer aussi facilement. Et donc, le juge, lui, il juge parce que c'est un être humain. Donc, il juge selon ce qu'il entend. Il juge selon ce qu'il entend. Il n'a pas d'autre choix. Et c'est pour ça, le cheikh dit, « Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama ana bashar, wa innakum tahtasimuna ilayya, wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, fa'aqdi ala nahwi ma asma', faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhuhu, fa'innama aqta'u lahu qit'atan min an-nar. » Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui est vraiment important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie, selon Salama, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne suis qu'un être humain. Et vous venez ramener vos disputes vers moi, quand vous avez des désaccords et des conflits. Et il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents et plus forts dans la façon d'expliquer leurs preuves que d'autres. Et moi, je vais juger selon ce que j'entends. Alors, si j'ai jugé en faveur de ton frère et que je lui ai donné le droit de son frère, si j'ai donné à l'un d'entre vous le droit de son frère, parce que j'ai jugé selon ce qui m'a paru la vérité, selon qu'est-ce que la personne m'a dit, et j'ai vu ce qui était vrai dans ce que les deux ont présenté, et j'ai vu que l'argument de celui-là était plus fort que l'argument de l'autre, alors j'ai jugé pour lui, mais parce que lui s'exprimait mieux que l'autre, j'ai cru que c'était lui qui avait raison. Alors dans ce cas-là, si j'ai donné raison à la mauvaise personne, et que j'ai donné à cette personne le droit de l'autre, par erreur, alors qu'il ne le prenne pas. Parce que s'il le prend, c'est comme s'il prenait un morceau de l'enfer. C'est comme s'il prenait une part de l'enfer. Ok. Je vais le réexpliquer d'une manière plus simple. Ok. On va dire que toi, tu as un conflit avec un autre frère. On va dire ce frère-là, il s'appelle Zayd. OK? Donc, toi, tu as un problème avec Zayd. D'accord? Tu dis, Zayd, il a pris ton cellulaire. C'est à toi. OK? Alors, moi, j'écoute ton argument. Qu'est-ce que tu ramènes comme argument, comme preuve? Et là, j'écoute lui, qu'est-ce qu'il dit comme argument et comme preuve. Mais Zayd, il est vraiment fort dans sa façon d'expliquer, dans sa façon de parler, quand il explique les choses, quand il ramène les preuves. Il est vraiment convaincant. Il sait vraiment bien parler, bien expliquer. Tandis que toi, on dirait que t'as comme plus de difficultés à prouver ton point. Alors moi, selon ce que j'ai entendu de vous deux, je conclus que celui qui disait la vérité et qui était plus fort avec ses arguments, c'était lui, Zayd. Alors, je lui dis, dans ce cas-là, le cellulaire est à toi. Mais pour de vrai, il est à toi, il n'est pas à lui. Mais moi, j'ai jugé selon ce que j'ai vu. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si moi j'ai donné le droit de quelqu'un à une autre personne, alors dans ce cas-là, qu'il ne prenne pas le droit de son frère, sinon c'est comme s'il prenait un morceau de l'enfer. Donc, ça veut dire que si Zayd, il sait que ce téléphone-là, ça lui appartient pas, ça t'appartient à toi. Et que j'ai jugé, moi, que ça lui appartenait, selon ce que j'ai entendu comme argument. Et qu'il le prend quand même, c'est comme s'il prenait un morceau de l'enfer. Tu comprends? Donc, c'est ça la signification du hadith. En voulant dire que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il jugeait entre les gens, il ne jugeait pas selon la révélation par rapport au jugement, dans le sens quand il y avait un conflit et qu'il jugeait entre deux personnes, ce n'était pas selon la révélation qu'il jugeait. Parce que s'il jugeait selon la révélation, il aurait tout de suite su c'était qui le coupable. Hein? Allah lui aurait révélé que la personne qui mérite cette chose-là, c'est celui-là, et non l'autre, et que lui, c'est un menteur. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne jugeait pas entre les hommes comme ça, de cette façon-là. Il jugeait selon ce qui était apparent, et ce que la personne ramenait comme preuve, et selon les évidences. Parce qu'il donnait en même temps l'exemple pour les juges, hein, plus tard, pour leur montrer comment juger, et comment analyser les preuves, et comment établir le jugement. Mais en même temps, c'est pour dire que le jugement des hommes, quand on juge entre deux personnes, eh bien, on peut se tromper. On peut faire des erreurs. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ici. Il dit, je juge selon ce que j'entends. Hein? Et c'est possible que certains d'entre vous, hein, vous êtes plus éloquents, plus forts dans la façon de s'exprimer que d'autres. Et donc, moi, je pense que c'est lui qui a raison, alors qu'en réalité, c'est l'autre. Mais si je me trompe et que je donne le droit d'un frère à l'autre, qu'il ne le prenne pas. Hein? C'est comme si je lui avais donné un morceau de l'enfer. Le cheikh il dit, حكم الحاكم لا يغير الحق لأنه يقضي على نحو ما يسمع. Le cheikh il dit, le jugement du juge ou du dirigeant ne change pas à la vérité. C'est-à-dire, c'est pas parce que le juge t'a déclaré innocent que t'es réellement innocent. C'est pas parce que le juge t'a déclaré coupable que t'es réellement coupable, parce que le juge il peut parfois avoir tort. Hein? Et combien de gens qui ont été coupables, ils ont été nommés innocents? Et combien de gens qui sont innocents, ils ont été nommés coupables parfois? Hein? Donc il y en a comme ça, des criminels. Ils disent, ah, moi selon la loi, j'ai été nommé innocent. Alors qu'au fond de son cœur, il sait qu'il est criminel. Mais il peut tromper les hommes, mais il ne peut pas tromper Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit, moi je juge selon ce que j'entends. Il dit, c'est possible que la vérité soit le contraire de ce qu'il a jugé. حكم إنما هو على الظاهر أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. Le juge il juge juste selon qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui est extérieur. L'intérieur, c'est seulement Allah qui le connaît. Le cœur, c'est seulement Allah qui le connaît. Et il dit, ولذلك تعاد الخصومات عند الله يوم القيامة. Il dit, c'est pour ça que toutes les conflits et les disputes, les conflits et les procès et les audiences, toutes ces choses-là qui ont eu lieu sur terre, elles vont être refaites devant Allah au jour de la résurrection. Subhanallah. Et au jour de la résurrection, Allah va établir la vraie justice. C'est pour ça. Allah va établir la vraie justice. Donc ceux qui avaient été accusés injustement, ce jour-là, ils vont être disculpés de ce qu'on leur a attribué. Et ceux qui avaient été innocentés injustement, ils vont être déclarés coupables ce jour-là, selon le jugement de la vérité et le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît toutes les choses apparentes et cachées. Et le cheikh il dit, نعم وينتصف للمظلوم من الظالم. Et on va remettre le jugement correct de celui qui a été opprimé vis-à-vis de l'injustice qu'il a subie. Et il dit, وتؤدى الحقوق إلى أهلها. Et on va remettre les droits à ceux qui en sont les vrais détenteurs. Et il dit, فلا يقول أحد ما دام القاضي حكم في القضية فالحق صار لي. Il n'y a personne qui a le droit de dire, lorsque le juge il a jugé en sa faveur, hein, qu'il dit, ah, c'est à moi puisque le juge il m'a donné le droit. C'est lui qui m'a, il a dit que j'avais raison. Non, toi tu sais au fond de ton cœur que t'as pas raison. Alors, pourquoi tu utilises le jugement du juge comme un argument, comme une preuve pour justifier? Qu'est-ce que tu dis? Alors que tu sais très bien que le juge, il s'est trompé. Il a jugé incorrectement. Donc, le cheikh dit, « Fahada la yajouz. » Hein? Il dit, « Falhaqqu sara li, wa huwa ya'lamu fi qararati nafsihi, anna alhaqqa li akhihi. » Il sait au fond de lui-même que le droit en question, ça appartient à son frère, pas à lui. Donc, il dit, « Hada la yajouz. » لأن حكم الحاكم لا يحل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. Donc il dit ça c'est pas permis. C'est-à-dire t'as pas le droit de te baser sur le jugement du juge pour justifier quelque chose alors que tu sais au fond de toi-même que c'est faux. Parce que le jugement d'un juge ne rend pas halal ce qui est haram et ne rend pas haram ce qui est halal. Et le cheikh il dit وإنما يقضي على نحو ما يسمع وبما توفر إليه من البينات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليتركها أو ليتركها أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة. Donc le cheikh il dit, donc le juge, lui, il a jugé seulement selon ce qu'il a entendu et selon ce qu'on lui a présenté comme argument et comme preuve et comme témoin, comme indice et ainsi de suite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prend le droit de son frère, qui ne lui appartient pas, alors c'est comme s'il avait pris un morceau de l'enfer. Qu'il le prenne ou qu'il le laisse. Hein? Qu'il le prenne ou qu'il le laisse par la suite. Mais s'il le prend, s'il le laisse, hein, il va être épargné du péché, mais s'il le prend, il va en subir les conséquences au jour de la résurrection. Le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يَنُوبُ عَنِ الْخَصْمِ كَالْوُكَلَاء وَالْمُحَامِينَ وَهَذَا مَوْضُوعُ الْبَابِ فَمَنْ كَانَ يَتَوَكَّلُ عَنْ غَيْرِهِ أو نعم يتوكل عن غيره في خصومة فعليه أن يتقي الله ولا يزور الحجج وإنما يدلي بالحق والصدق سواء كان له أو على موكله لأن بعض المحامين والوكلاء يريدون أن يكسبوا الأجرة فيزور القضية ويأتي بشهود زور حتى يكسب القضية ويحصل على ما يعطى مقابل المحامة والوكالة فعليه أن يتقي الله لأنه هو الذي يتحمل الوزر حيث جلب لموكله شيئا ليس له وظلم الخصم حيث أخذ منه الحق وأعطاه غيره وفي الأثر شر الناس من ظلم الناس للناس وباع دينه. Donc le cheikh il dit que des fois dans les disputes et dans les conflits, il y a des gens qui défendent d'autres personnes ou qui sont chargés de défendre d'autres personnes, comme les avocats par exemple. Okay? Et ces avocats-là sont payés par la personne, par une personne pour les défendre. Okay? Donc ça c'est le sujet du chapitre. Le cheikh il dit, et c'est-à-dire que, comme dans le titre, c'était écrit, celui qui aide dans une dispute, mais par le faux, hein, par ce qui est faux. Donc le cheikh il dit, parfois quelqu'un il va être chargé de défendre une personne, et si c'est le cas, la personne elle doit faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne doit pas falsifier les preuves, falsifier les arguments. Parce qu'elle doit être véridique et dire la vérité. Hein? Peu importe que c'est en sa faveur, que c'est pour lui ou contre lui, il doit dire la vérité. Pour lui, on comprend. Contre lui, oui, même contre toi-même, tu dois dire la vérité. parce que tu es un musulman et tu dois pas mentir, tu dois pas falsifier pour hein, défendre le faux. Et il dit à des avocats, par contre, eux, ils veulent juste avoir leur salaire et leur, de l'argent, c'est tout. Donc, ils ont été payés pour défendre quelqu'un, ils veulent avoir l'argent, ils vont tout faire pour arriver à leurs objectifs, même s'il faut ramener des faux témoins, ramener des fausses preuves, des preuves falsifiées, des faux documents, des documents obtenus illégalement, des choses vraiment graves qu'ils vont faire pour tout, hein, pour arriver à défendre ceux pour qui ils travaillent. Et des fois, ils savent que la personne en question, elle est injuste. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas correct. Mais ils la défendent quand même, dans l'injustice. Et ça, c'est pas correct. Et il veut à tout prix gagner sa cause. Et donc, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est important de craindre Allah là-dedans. Mais celui qui n'a pas de crainte d'Allah, il fait qu'est-ce qu'il veut. Hein? C'est pas pour rien, on dit les meilleurs avocats, c'est les juifs. Hein? Parce qu'ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont faire tout pour se détourner de la peine et comme on dit, se faufiler entre les lois pour arriver à s'en sortir. Et ils savent comment faire. Et c'est pas que les juifs. Hein. Il y a des chrétiens aussi, il y a des athées aussi, il y a toutes sortes d'autres personnes qui sont forts là-dedans aussi, mais on connaît, et ils sont reconnus comme ça. Et il dit le cheikh que, donc, il faut avoir la crainte d'Allah. Le musulman, lui, il va s'abstenir de défendre quelqu'un en utilisant des choses fausses. Mais le kafir, lui, il ne craint pas Allah. Il n'y a rien qui l'empêche de faire ça. Il ne sait pas qu'au jour de la résurrection, il va être questionné et jugé, il va avoir à porter le poids de ce péché-là devant Allah au jour de la résurrection. Donc, il doit faire attention à ça. Et donc, de faire de l'injustice à la personne avec qui tu as un conflit, juste parce que tu veux prendre son droit, et tu veux, ou bien tu le prends pour le donner à quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Et il y a une athar, une narration, qui dit que la pire des personnes, c'est celle qui fait de l'injustice, qui fait de l'injustice aux gens pour des gens, et qui vend sa religion pour la dunya de quelqu'un d'autre, pour la dunya de quelqu'un d'autre. Donc c'est grave. Toutes ces choses-là, c'est des choses graves, et ça nous montre en même temps que dans l'islam, il y a des niveaux très élevés d'éthique, de morale et de principe, de justice, qui dépasse les systèmes des koufars et les systèmes des lois humaines que les gens ont inventées. Eux, qu'est-ce qu'ils connaissent de la justice? C'est juste un dixième de la réalité de qu'est-ce que c'est la justice en islam. Et le cheikh dit, « Fahuwa akhad al-haq » من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره وخصوماته وبلاغته في الحجة فعلى الذين يتولون المحاماة والوكالات وأمر الخصومات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يخاصموا إلا بحق أما أن يتعمدوا التزوير ويغرروا بالقاضي ويستخدم لذلك الأساليب الملتوية كأن يكون هناك رشوة أو شهادة زور فهذا في غاية الخطورة فالخصومة في الباطل أو بالباطل خطرها عظيم وشرها كبير فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il dit, donc, il a pris le droit de son frère et l'a donné à quelqu'un d'autre à cause de sa falsification dans la façon comment il a argumenté et à cause de son éloquence, comment il présente les preuves de façon bien expliquée, bien exprimée, et il trompe les gens de cette façon-là. Donc ceux qui font le métier d'avocat ou des choses comme ça, hein, eh bien, ils doivent craindre Allah hein, dans ces disputes-là. Et ils ne doivent argumenter et disputer que par la vérité. Et ils ne doivent pas, de façon intentionnelle, falsifier les preuves et les arguments pour tromper le juge et en utilisant des ruses et des trucs comme ça ou en utilisant des pots de vin ou des faux témoignages ou des choses de ce genre. Ça, c'est très dangereux. Et il dit donc que de disputer et d'argumenter par le faux, ça, c'est quelque chose de très grave, très dangereux. Et le mal qui en découle est très grand. Et donc, vous devez craindre Allah. Ils doivent craindre Allah, ces gens-là. Et savoir qu'ils vont être responsables et questionnés devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc là, le cheikh, maintenant, il cite les versets du chapitre. Il dit, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقَوْلُهُ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا الْآيَةِ. Donc, il y a deux versets qui sont mentionnés ici. Le premier verset dans Surat Al-Ma'ida, le verset 2, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et encouragez-vous ou bien collaborez entre vous dans la bonté et la piété » et ne vous encouragez pas les uns les autres dans le péché et dans la transgression. Donc, on ne doit pas s'entraider dans le péché et la transgression. Donc, des fois, par exemple, les gens ils te demandent, est-ce que j'ai le droit de faire un travail dans tel endroit où il y a tel péché qui se fait? Ou est-ce que j'ai le droit d'aider quelqu'un à faire telle chose dans tel travail dans lequel il y a quelque chose de haram ou quelque chose comme ça? Et la réponse, les ulama, ils ramènent toujours ce verset-là. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. C'est-à-dire, entraidez-vous les uns les autres dans la piété, dans la bonté et la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc, toute chose dans laquelle il y a du péché et il y a de la transgression, on ne doit pas s'entraider dedans. On ne doit pas travailler là-dedans. Parce que ça voudrait dire qu'on aide quelqu'un à faire ce qui est haram. Et ça, ce n'est pas permis. Hein, il y en a qui disent, comme je disais tout le temps, il y a des gens qui sont parfois en train de demander dans la rue, là, ils demandent des choses, ils voient quelqu'un, ils disent, est-ce que tu as une cigarette? Hein? Puis la personne, elle pense qu'elle fait un acte de générosité, elle lui sort une cigarette, elle lui donne. C'est comme si elle veut montrer qu'elle partage et qu'elle est généreuse. Et dans ce cas-là, non, parce que tu partages et tu es généreux, mais dans ce qui est haram, dans le mal. Dans ce cas-là, non, il n'y a pas de récompense. Au contraire, même, il y a un péché supplémentaire dedans du fait que tu aides quelqu'un à faire quelque chose qui est haram. Dans ce cas-là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien là-dedans. Hein? Et c'est pour ça que on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith authentique, que celui qui fait une bonne action, il aura la récompense de cette bonne action-là et la bonne action de la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans le bien, sans que ça diminue quoi que ce soit de ses bonnes actions à lui. Et celui qui fait une mauvaise action, il aura son péché à lui et le péché de tous ceux qui l'ont influencé dans ce péché-là et qui l'ont suivi dans le péché ou dans la bid'a ou des choses de ce genre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement leur péché qu'ils vont avoir, mais le péché de ceux qui les ont suivis dedans. Donc, ça, c'est pour dire que tu dois faire très attention à ne pas être la cause d'influencer quelqu'un à faire des péchés, parce qu'au jour de la résurrection, tu vas te retrouver avec des montagnes de péchés et tu vas te demander, mais comment ça se fait hein, que j'ai tous ces péchés-là? Moi, je n'ai pas fait tout ça, mais c'est tous ceux qui t'ont suivi. Hein, dans le péché que tu faisais. C'est pour ça que tu dois faire le maximum de ton possible pour faire en sorte que ton péché se limite à toi-même si tu fais un péché pour pas être la cause d'avoir d'autres personnes qui te suivent dans ce péché-là. Sinon, tu auras le poids de ça hein, à porter au jour de la résurrection. Donc, celui qui appelle au mal et qui donne l'exemple aux autres dans le mal, il est toujours plus, plus grave que celui qui limite le mal à lui-même. Hein? Et tu vois, par exemple, une femme qui écrit un livre pour dire « Oh, moi, je portais le voile, après je l'ai enlevé. » Si cette femme-là, elle écrit ce livre, puis elle dit aux femmes, par exemple, « Moi, j'ai enlevé le voile. » Puis là, toutes les femmes qui vont lire son livre vont enlever le voile à cause d'elle. Au jour de la résurrection, elle aura le poids de toutes les femmes qui ont été influencées dans ce péché-là à cause d'elle. Non seulement elle aura son péché à elle, mais le péché de toutes celles qui l'ont suivi dans ce péché. Et non seulement ça, pas seulement jusqu'à sa mort, même après sa mort, si son livre continue à être lu et à influencer des gens, même après sa mort, elle continuera à accumuler des péchés dans le mal pour toutes les personnes qui l'ont suivi dans ce mal-là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère les actions et les paroles et les choses qu'on écrit, puis que tu dis « Non, ça c'est juste un livre que j'ai écrit comme ça, puis ça finit là. » Non. Les gens qui vont être influencés par ça, et quand ça va continuer à se propager, tu auras le péché de ça. La même chose dans le sens contraire aussi. Si tu as été la cause d'appeler les gens au bien et que des gens ont fait des bonnes choses à cause de ton influence, eh bien, tu auras les bonnes récompenses de tout ce qu'ils ont fait après toi, même si c'est après ta mort. Si tu as laissé quelque chose qui continue à travailler pour toi, donc tout ce qui aura été utilisé dans le bien, dans ce sens-là, ça va être des bonnes actions pour toi dans l'avenir. Donc ça, c'est le premier verset, le verset 2 dans Surat Al-Ma'ida. Et entraider, collaborer, travailler les uns avec les autres dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. L'autre verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 85, pardon, dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en portera une part de responsabilité, et Allah est puissant sur toutes choses. Dans la vie d'ici-bas, les gens, ils intercèdent toujours les uns pour les autres, dans toutes sortes de choses, dans le bien et dans le mal. Si tu intercèdes pour quelqu'un dans le bien, tu auras une part du bien. Si tu intercèdes pour quelqu'un dans le mal, tu auras une part du mal. Hein? Et c'est aussi simple que ça. Hein? Mais des fois, les gens, ils oublient ça. Ils pensent pas que les choses qu'ils font sont calculées dans la balance au jour de la résurrection. Le cheikh, il explique ces versets-là. Cheikh Al-Fawzan, puis il dit « Qawluhu wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa » أي على الخير والإصلاح والصلاح ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي ولا تعاونوا على الضد والنقيض منها فالإثم ضد البر والعدوان هو الاعتداء على الناس بسلب حقوقهم فالخصومة بالباطل من التعاون على الإثم والعدوان وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة فالخصومة فالمخاصم بالباطل يكون متعاونا على الإثم والعدوان وقد قال تعالى في نهاية الأمر واتقوا الله أي اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل وظلمتم الناس فإنكم حينها تستوجبون غضب الله وعقوبته فعليكم أن تتقوا ذلك الغضب بترك ذلك الفعل أو بترك هذا الفعل الخطير وعليكم بتقوى الله لأنه رقيب على الجميع وقوله تعالى إن الله شديد العقاب أي اتقوا عقابه فإن عذابه ليس سهلا تحمله بل هو شديد لا طاقة لكم به. Donc le cheikh il dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « et entraidez-vous dans la bonté », c'est-à-dire dans le bien, dans la réforme, dans tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Et ne vous entraidez pas les uns les autres dans le péché et la transgression. Il dit, ça veut dire, yani, le péché, c'est le contraire du bien et de la bonté. Et al-udwan, c'est la transgression contre les gens en leur enlevant leurs droits, en leur enlevant leurs biens, en disputant par le faux. Hein? Et donc, disputer par le faux, argumenter par le faux pour quelqu'un, ça rentre dans la transgression contre les gens et ça rentre dans le péché. Et donc, c'est ce qu'on veut dire dans le verset ici. Et la personne qui défend quelqu'un dans le faux et qui argumente pour quelqu'un dans le faux, eh bien, c'est comme si elle collaborait, hein, dans le péché, dans la transgression. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, et craignez Allah, hein, taqullah. Et taqwa, c'est de se protéger d'Allah, de chercher une protection contre Allah. Comment on peut se protéger d'Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous protéger contre Allah? Personne ne peut nous protéger contre Allah. Mais il n'y a personne qui peut nous protéger d'Allah excepté Allah lui-même. Et la façon comment on peut se protéger d'Allah, c'est en cherchant d'utiliser les moyens que Allah nous a donnés pour se protéger de son châtiment, c'est-à-dire de faire ce qu'il nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit. Et c'est comme ça que si on fait ça, on fait ce que Allah nous ordonne et on s'écarte de ce qu'il nous a interdit, eh bien, on va être protégé contre sa colère. On aura une protection contre sa colère. Mais si on dispute dans le faux et par le faux et qu'on fait de l'injustice aux hommes, alors dans ce cas-là, vous avez fait ce qui exige la colère d'Allah et son châtiment. Et donc, vous devez chercher une protection contre la colère d'Allah en abandonnant de faire ces genres d'actes qui sont dangereux. Et vous devez faire preuve de piété et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille et il vous voit tous. Et donc il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie, et Allah est dur en châtiment. Et certes Allah est dur en châtiment, c'est-à-dire craignez son châtiment, car son châtiment n'est pas facile à endurer, et même qu'il est tellement dur que vous ne serez pas capable de le supporter. Le cheikh il dit ensuite, فَهَذَا فِيهِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْخُصُومَةِ بِالْبَاطِلِ فَمَنْ فَعَلَ وَأَعَانَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِعِقَابِ اللَّهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يكون له نصيب منها الشفاعة قسمان الأولى شفاعة عند الله تعالى وهذه له شروطها كما جاءت في الكتاب والسنة والثانية عند المخلوقين. Donc le cheikh il dit ici donc que Allah subhanahu wa ta'ala donc il avertit contre le fait de s'entraider dans le faux et de disputer par le faux. Et donc, quiconque fait cela ou aide à cela, eh bien, il s'est mis lui-même à la merci du châtiment d'Allah. Et il dit ensuite, dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 85 dans Surat An-Nisa, il dit ce qui signifie, et celui qui intercède d'une bonne intercession, il aura une part de cela. Il dit le cheikh Al-Fawzan que l'intercession, elle est de deux types. Il y a deux types d'intercession. L'intercession auprès d'Allah et l'intercession auprès des créatures. Ça, c'est deux types d'intercession. Et dans ces deux types d'intercession, il y a une partie qui est bonne, un aspect qui est bon, et il y a un exemple qui est mauvais aussi, dans les deux. L'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui c'est shirk et il y en a qui c'est permis. Et l'intercession auprès des créatures, il y en a que c'est dans le faux, il y en a que c'est dans le vrai. Hein? Donc il donne l'exemple, le cheikh il explique. Il dit ash-shafa'atu hiya ma yusammiha an-nas al-yawm al-wasata. Al-wasata. Wal-wasata fi tahsil al-talab hiya an yataqaddam shakhs bi talab min al-wali أو الحاكم شيئا له فيه مصلحة وليس فيه ظلم أو عدوان على أحد، لكن يكون الحاكم لا يلقي بالا لهذا الطلب لأن الطالب ليس ذا شأن أو لا يعرفه الحاكم، فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم لهذا الطالب في طلبه، والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، فصاحب الطلب يكون منفردا في طلبه، ثم جاء هذا الواسطة أو جاء هذا بالواسطة فصار شافعا له، فتحول بذلك من كونه منفردا في طلبه إلى أن أصبح شفعا. Donc le cheikh il explique que l'intercession entre les vis-à-vis des créatures ou auprès des créatures, c'est ce qu'on appelle dans le langage commun al-wasata en arabe, c'est-à-dire d'avoir des fois on dit en français d'avoir un contact ou d'avoir un piston. Je sais pas si vous dites ça ici, le piston. Qu'est-ce qu'on dit ici? Comment on dit? Quand t'as une connexion. Ici, on dit une connexion. En anglais, hookup, oui. C'est-à-dire d'avoir un contact, d'avoir une connexion, d'avoir quelqu'un qui est haut placé, qui est proche de quelqu'un qui est responsable et qui peut te faciliter l'accès auprès de lui pour obtenir une faveur. Hein? Comme par exemple, tu vas avoir un travail dans une compagnie, puis tu sais que ton ami, là, il est proche du patron, du responsable. Tu dis, bon, est-ce que tu pourrais parler à ton patron pour moi? Tiens, je te donne mon CV, présente-lui ça, tu sais, puis peut-être qu'il va accepter, puis qu'il va m'engager parce qu'il te connaît et te fait confiance. Alors toi, tu vas voir ton patron, tu dis, j'ai quelqu'un à te recommander, c'est quelqu'un de bien, je le connais, c'est un ami, tiens, ça c'est son CV. Et là, le patron, il prend ça, il dit, ok, je vais voir ça. Hein? Ça, c'est une chafara, c'est une intercession, ça, un genre d'intercession. Et ça, c'est correct. Hein? C'est bien de faire ça. Tu aides quelqu'un, tu lui rends un service. Et de faire ça dans le bien, c'est bien. Mais si tu le fais d'intercession pour le mal, dans ce cas-là, c'est mal. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, il veut faire quelque chose de haram. Je ne sais pas moi, il cherche un travail, mais dans quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam. Comme par exemple, il veut travailler dans une compagnie d'alcool ou je sais pas moi, compagnie de musique. Il dit, tiens, je te donne mon CV, fais-moi rentrer, des choses comme ça. Et si tu l'aides dans le haram, dans ce cas-là, c'est haram. Aider dans le halal, c'est bien, mais aider dans le haram, c'est pas bien. Le cheikh, il explique, lui, il donne un autre exemple. Il dit, c'est comme par exemple, quand tu veux obtenir quelque chose, par exemple, quelqu'un... Il veut obtenir quelque chose du dirigeant ou d'un quelqu'un qui est dans un poste d'autorité. Il veut quelque chose, mais il n'est pas capable de l'obtenir. Et dans cette demande, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de transgression. C'est juste un bien qu'il veut avoir. Et il n'est pas capable d'aller directement voir le responsable lui-même. Parce que, premièrement, le responsable en question, il ne le connaît pas. Parce que la personne en question... La personne qui a un besoin, elle n'est pas importante. Toi, par exemple, tu n'es pas important, donc tu dis, si je vais aller lui parler, il ne va pas me recevoir, il ne va pas me donner d'importance. Donc, tu connais quelqu'un d'autre qui est proche, donc tu vas le voir, tu lui dis, hein, est-ce que tu peux parler en ma faveur, intercéder pour moi? C'est ça l'intercession. Et en arabe, on l'appelle shafa'a. Et le cheikh explique que shafa'a, ça vient de shafa'a. Et shafa'a, ça veut dire... Qu'est-ce qui est impair? Le contraire de qu'est-ce qui est witr? Le contraire du witr. Witr, ça veut dire impair. Et shafa, ça veut dire père. D'accord? Donc, pourquoi on l'appelle père? L'intercession, ça vient du mot père. Parce que quand tu étais tout seul, hein, tu étais impair. Tu es allé voir quelqu'un pour lui demander d'intercéder pour toi. Donc maintenant, au lieu d'être un, vous êtes deux. Donc vous êtes devenu un père. Et c'est dans ce sens-là que linguistiquement, ça vient, c'est l'origine hein, linguistique du terme shafa'a. Il dit, « وَالشَّفَعَةُ فِي الْخَيْرِ فِي مَا يَنْفَعُ النَّاسِ مَطْلُوبًا وَفِيهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء فالشافع في الخير مأجور سواء قبلت شفاعته أم لم تقبل لأن الله سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن جلب النفع للمسلمين. Donc le cheikh il explique que l'intercession dans le bien c'est quelque chose qui est demandé dans l'islam, c'est quelque chose qui est bien quand tu fais une intercession pour le bien, quelque chose qui est bénéfique pour les gens. Et il y a une grande récompense dans le fait de faire ça pour quelqu'un. La rishwa, la yajouz. Barakallahu fi. Donc les pots de vin, non, ça c'est pas permis. Mais l'intercession comme ça, sans pots de vin, ça c'est quelque chose de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, il a dit, intercédez et vous serez récompensé. Intercédez et vous serez récompensé. Ishfa'u tu'jaru. Et donc, ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va, il dit, wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma yasha. Il dit, Allah, il décrète par la langue de son messager ce qu'il veut. Et ça c'est, yani pour dire que, yani il a décrété cet exemple-là, que l'intercession dans le bien, c'est quelque chose qui est récompensé. Même si l'intercession n'est pas acceptée. C'est-à-dire que quelqu'un te demande d'intercéder en sa faveur. Tu seras récompensé par Allah pour ça. Même si l'intercession que tu fais pour la personne, c'est pas accepté. Hein? Bon, ça dépend des cas. Si c'est permis de procéder de cette manière, ouais, non, c'est ça. Si c'est légal, oui. Si c'est illégal, dans ce cas-là, non. Parce qu'il faut procéder de la façon qui est permise islamiquement. Mais si, par exemple, on va dire que tu connais quelqu'un qui est proche d'un dirigeant, puis que toi, tu lui dis, écoute, moi, j'aimerais ça, par exemple, faire la hijra, et j'aimerais ça vivre dans un pays musulman. Est-ce que ce serait possible pour toi de parler avec le dirigeant pour qu'il me donne la permission de rester dans son pays, ou qu'il me donne la résidence ou quelque chose comme ça? Laisse-moi te dire que si tu connaissais quelqu'un qui est ami avec le roi d'Arabie Saoudite ou le roi d'un pays musulman et qu'il te respecte ou bien il le respecte cette personne-là et qu'il lui demande, lui il veut une résidence, il a juste à signer un papier et puis ça y est, tu as la résidence tout de suite. Hein? C'est pas nécessaire que tu vas passer par tous les processus, là, les étapes. Non, parce que le roi, il a la décision dans ces affaires-là s'il veut. Mais c'est sûr que c'est pas facile de connaître quelqu'un qui a, hein, comme on dit, cette connexion-là. Tu vois? Mais c'est pour dire que si quelqu'un est capable de t'aider dans ça, c'est quelque chose de bien. Parce que la hijra, de quitter un pays non musulman pour aller vivre dans un pays musulman, c'est une des plus grandes formes d'adoration dans l'islam. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la hijra dans plusieurs versets dans le Coran et il en a fait l'éloge. Donc il n'y a pas de doute que c'est une ibad. Hein? Et le cheikh il dit également que ton intercession soit acceptée ou non, elle sera récompensée. Ça veut dire que toi, là, si tu vas voir ton patron, par exemple, tu lui dis, est-ce que tu pourrais, par exemple, engager un tel, ça c'est une personne que je connais, c'est une bonne personne, il va faire le bon travail. Si le patron il l'accepte, tu auras la récompense. Si le patron l'accepte pas, tu auras la récompense quand même aussi. Parce que tu as fait l'effort, tu as essayé et tu as voulu intercéder, Allah il va te récompenser. Celui qui fait une bonne intercession pour quelqu'un, il aura une part de cette intercession-là. Et il dit, et ça fait partie de s'entraider dans la bonté et dans la piété. Et ça fait partie d'essayer de ramener du bien pour les musulmans. Le cheikh, il dit ensuite, وَقَوْلُهُ تَعَلَى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أي نصيب من أجرها. فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب ما ينفع ويفيد صار للحاكم أجر وللشافع أجر. ولهذا قال نصيب منها أي يناله نصيب من الحاكم أو الشخص الذي أجاب الطلب بما ينفع. وهذا ترغيب من الله في الشفاعة في الخير. ثم قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة فهذا في مقابل الشفاعة الحسنة وهي الشفاعة بالباطل أو في ظلم وعدوان أو في أخذ حقوق الناس، هذا شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي نصيب منها، فيكون على الذي أجاب الشفاعة وهو الوالي أو من عنده الطلب إثم يشترك فيه مع الشافع. وهذا فيه تحذير من الشفاعة بالباطل لأخذ حقوق الناس، كما أن منع إقامة الحدود فيه إعانة للظالم على ظلمه، وهذا من الشفاعة السيئة، وسيأتي ذكر ما فيها من الوعيد. Donc le Cheikh il dit que celui qui intercède, donc il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie et quiconque intercède d'une bonne intercession, il aura une part de celle-ci, c'est-à-dire une part de la récompense. Donc le dirigeant qui, par exemple, accepte de répondre à l'intercession et qui donne à la personne qui voulait obtenir quelque chose ce dont il a besoin, hein, et que ça c'est une chose qui est bénéfique et qui est bonne, alors dans ce cas-là, le dirigeant il en aura une part, et la personne qui a intercédé il aura une part de la récompense aussi. Et c'est pour ça qu'il dit une part de la récompense, c'est-à-dire qu'il va avoir une part de la récompense avec le dirigeant ou bien avec la personne qui a accepté, hein, la demande d'intercession de faire ce qui est bénéfique. Et donc il y a dans ça quelque chose qui est incitatif de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous encourager à faire une intercession dans le bien. Puis il dit ensuite, hein, ce qui signifie dans le verset, et quiconque fait une intercession mauvaise, qui intercède dans le mal, et ça c'est le contraire de la bonne intercession, d'intercéder dans le faux, d'intercéder dans l'injustice, d'intercéder dans la transgression. Donc ça c'est dans le fait de vouloir prendre le droit des autres, dans le fait de faire une intercession dans qu'est-ce qui est mauvais. Eh bien celui qui intercède dans le faux et dans le mal, eh bien il aura une part de ce péché-là. Il aura une part de cette mauvaise intercession-là. Et donc, celui qui répond à cette intercession-là, lui-même, ou bien la personne à qui on demande, hein, comme le dirigeant ou le responsable dans ce cas-là, hein, ou bien et qu'il accepte de donner à celui qui fait la demande, cette demande, il l'accepte, alors dans ce cas-là, il est partenaire dans l'intercession lui-même et il aura une part de ce péché-là. Et ça, c'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire justement des intercessions dans le faux pour prendre le droit des gens. Et c'est pour dire que, comme par exemple également le fait d'empêcher l'établissement des peines ou d'aider l'injuste à faire de l'injustice, ou bien il y a des choses de ce genre. Donc ça c'est des formes d'intercession qui sont mauvaises et il n'y a pas de doute que c'est haram, et il y a des menaces très sévères qui sont mentionnées à ce sujet-là et qu'on va mentionner dans la suite. Après le Cheikh il dit wa hadhihi al-aya qassamat ash-shafa'a ila naw'ain shafa'atun hasana hatha Allah 'alayha wa raghaba fiha ورتب عليها الأجر والثواب ولهذا ينبغي للمسلم أن يسعى فيها ولا يتوانى لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وما ينفع المسلم به أخاه المسلم. والنوع الثاني شفاعة سيئة، وهي ما يحصل بها ظلم للناس أو مصادرة لحقوقهم بسبب الشافع، ومناصرة للظالم على المظلوم، فهذه الشفاعة ينال الشافع كفل من أي نصيب من إثمها وشرها، وهذا محل الشاهد من الآيات التي في الباب. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ces versets là en disant que les versets qu'on a lus, ils divisent l'intercession en deux types ou en deux catégories. L'intercession qui est bonne et que Allah a encouragé, il a incité les gens à le faire, et il a mentionné qu'il y aura une récompense pour celui qui le fait, et il faut que le musulman fasse des efforts et qu'il n'hésite pas donc à collaborer dans le bien et à faire du bien et à aider dans le bien, hein, avec ce qui est bénéfique pour le musulman. Il fait qu'est-ce qui est bon pour son frère, hein, ça c'est important. Il y en a des gens, des fois ils ont la possibilité de faire du bien pour les autres et de les aider, puis ils veulent jamais, ils refusent tout le temps. Chaque fois tu le vois, tu dis ya akhi, hein, rends-moi ce service-là, va parler, va, amène mon CV, amène mon CV, ou bien fais, rends-moi ce service, parle avec ton patron, parle avec ton responsable, essaie de me donner un coup de main. Toujours, ah non, je peux pas, non, je peux pas, non, je peux pas. C'est pas qu'il peut pas, des fois il veut pas, c'est tout. Hein? Donc, ça c'est pas bien. Le musulman, il devrait essayer d'aider son frère. Il devrait essayer de collaborer avec son frère. Et en même temps, les musulmans entre eux, ils devraient tous s'aider. Il ne devrait pas y avoir de la jalousie entre les musulmans dans ces choses-là. Des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est que quelqu'un il dit, moi j'ai réussi à avoir ce poste, je suis arrivé dans cette compagnie, ou bien je suis arrivé à telle situation, et là, bon, chacun, c'est chacun pour soi. Si les autres ils veulent rentrer, ils s'arrangeront par eux-mêmes. Hein? Ça, c'est pas mon problème. Donc, les autres, ils veulent travailler aussi, lui il a la capacité de faire quelque chose mais il veut pas se mêler, il dit non, moi je veux pas aider personne, je suis venu ici tout seul et les autres qui se débrouillent, hein? Alors que dans d'autres types de, il y a d'autres gens, ils s'entraident entre eux. Il y en a, tu vois par exemple des gens, par exemple je vais pas nommer de catégorie de personnes, mais c'est juste pour dire, il y en a, au lieu de penser qu'à eux-mêmes, ils pensent pas seulement à eux-mêmes, mais ils pensent aussi à d'autres qui sont de leur communauté ou de leur même groupe qu'eux ou je sais pas quoi. Et donc, ils veulent les aider eux aussi à monter avec eux. S'ils arrivent dans un poste ou avoir une situation, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'aider les autres à venir avec lui et à travailler eux aussi et à être dans des situations intéressantes. Tandis qu'il y en a d'autres, non, c'est un peu de l'égocentrisme, puis aussi de l'égoïsme. Et il y en a, chacun pour soi, il pense qu'à lui-même. Ça, c'est pas correct. Hein? Et le cheikh, il dit, hein, je sais pas, vous connaissez pas le jeu Le Roi de la Montagne? Vous connaissez ce jeu-là? Hein? Le roi de la montagne, hein? Une fois que tu es arrivé en haut, tu pousses tout le monde en bas. Tu veux pas que personne vienne prendre ta place. Il y en a, c'est comme ça dans leur tête. Ils voient la vie comme ça, comme le jeu du roi de la montagne. Il veut être le roi de la montagne. Donc au lieu d'aider les autres à monter, il veut toutes les pousser en bas. Parce que lui, il veut être tout seul en haut. Ça, c'est, a'udhoubillah, ça, c'est vraiment pas correct. Et le cheikh il dit, والنوع الثاني شفاعة سيئة وهي ما يحصل بها ظلم للناس. Donc l'autre type d'intercession qui est mauvaise, c'est l'intercession dans le mal, dans laquelle il y a de l'injustice pour les autres, dans laquelle il y a le fait de prendre le bien des autres et les droits des autres à cause de l'intercesseur, et de venir en aide à l'injuste contre l'opprimé. Ça c'est vraiment incorrect. Et donc l'intercession, hein, dans ce cas-là, cette mauvaise intercession-là, la personne qui l'a fait, elle aura une part du péché et du mal. Et c'est ça que on voulait tirer dans ce verset-là comme preuve par rapport au chapitre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain, inshallah, la suite de ce chapitre avec les hadiths qui parlent de ce sujet-là. Et on va lire ensemble donc ce qui a été dit là-dessus demain. Bi'iznillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans 10 minutes inshallah on va, ou 5 ou 10 minutes, on va commencer le prochain cours sur la jama'a inshallah.